amoureux de jazz, il y a quelques semaines, je vous avais promis de vous faire jouer une trilogie complète. Eh bien, c'est à soir ou aujourd'hui que ça se passe. C'est Prophétie 1, 2 et 3 que je vais vous faire entendre dans quelques instants du Benjamin Deschamps Quintet. Benjamin Deschamps, c'est un saxophoniste qui a gagné l'année passée Révélation Jazz Radio-Canada. J'ai reçu l'album de minuit, assez intéressant, merci. Et comme je vous l'avais dit, sur cet album-là, il y a une trilogie assez intéressante. Bon, c'est un peu long, mais quand même, c'est très intéressant. Prophétie, partie 1, 2 et 3. Et ça s'en vient dans quelques instants. Juste faire une petite parenthèse. Cette année, pour ce qui est de Révélation Jazz Radio-Canada, c'est une pianiste qui s'appelle Gentiane. Et c'est assez intéressant ce qu'elle fait avec son groupe. Donc, j'attends l'album. Durement que j'ai ça, je vais vous faire découvrir ça avec grand plaisir. Mais pour l'instant, on y va avec Prophétie, partie 1, 2 et 3, tirée de l'album de minuit du Benjamin Deschamps Quintet.